La Caisse des Jardins du Domaine du Roy rend hommage aujourd'hui à tous les hommes et les femmes qui ont fait de la traversée internationale du lac Saint-Jean un des événements nautiques les plus prestigieux du monde. L'implication de tous les administrateurs et bénévoles, la participation des athlètes, le support des nombreux commanditaires et surtout l'engouement de la population ont permis à cette organisation d'atteindre et de maintenir une notoriété aussi élevée qu'enviable, et ce, après 62 ans. Desjardins vous invite à profiter des plaisirs de l'été et vous souhaite une excellente traversée. Samedi dernier, je me suis rendu à la traversée internationale du lac Saint-Jean où j'ai rencontré Jude Dufour, qui est l'entraîneur de Léon Bouchard. Léon Bouchard qui peaufinait sa préparation en vue des Jeux olympiques de Rio. Et j'ai eu l'occasion de parler, de m'entretenir avec Jude Dufour sur la préparation de son élève, Léon Bouchard. On écoute ce que ça donne. À la Coupe Canada de vélo de montagne avec moi, j'ai l'entraîneur de Léon Bouchard, Jules Dufour, pour parler un peu de sa préparation en vue de Rio. Bon après-midi, Jules. Bonjour. Jules, d'abord, si on parle un peu, est-ce que ça a été une surprise pour l'organisation de voir que Léon était sélectionné à Rio? À vrai dire, avec les résultats qu'on a eus cette année, on voyait tout que... on sentait que c'était éminent comme sélection. Par contre, l'an passé, de faire les Olympiques à 23 ans, oui, il y a un peu une surprise par rapport à son plan de développement. On croyait plus 2020 pour le Japon. Mais avec les résultats qu'on a vus sur les Coupes du Monde, particulièrement en Australie, avec une 19e position au niveau international, avec une 20e position à la Bresse en France, Donc, avec ces résultats-là, on croyait fortement à nos chances d'une sélection. Et il faut voir aussi que seulement deux athlètes canadiens sont sélectionnés pour Rio. Alors, Raphaël Gagné de Québec et Léon Bouchard d'Alma, là, du Petit Lot, sont sélectionnés. Ça prouve qu'en région, on peut réussir quand même. Tout à fait. Moi, je pense qu'il suffit d'y croire, il suffit de mettre les efforts, il suffit... c'est un long processus. C'est un processus à lequel il faut avoir un environnement qui est gagnant. Moi, ça fait 15 ans que je suis impliqué comme entraîneur au sein du club Cyclone. Et on a développé ces jeunes-là. On a Léon qui, présentement, a la nomination la plus sélective qu'un athlète peut pas avoir au niveau national, qui est une sélection olympique. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les autres athlètes là, qui sont en train d'émerger au sein de notre organisation, dont Catherine Fleury, qui est championne canadienne U23, qui sera éventuellement peut-être une prétendante olympique 2020. Alors, dans la région, faut pas jouer en désavantage. Il faut y croire, il faut mettre les efforts. Il faut surtout avoir un environnement et des partenaires qui croient aussi au fait qu'on peut faire de la haute performance chez nous. Les sites en région, est-ce que ça, Saint-Félicien, c'est reconnu? Alma également, ça doit aider aussi. Oui, ça nous aide beaucoup. On a ici Toboski à Saint-Félicien, ouais. qui est un site exemplaire. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller un petit peu partout, présentement, depuis 2 ans, sur les Coupes du Monde. On n'a rien à envier au niveau national, au niveau du Canada, avec un parcours semblable avec Toboski, qui a déjà reçu une Coupe du Monde en 2007 ou 2008, si je me trompe. Déjà. Et puis, championnat canadien en passé. On a des sites incroyables chez nous. On a aussi Baie-Saint-Paul, où a lieu le championnat canadien la semaine passée. Donc, dans un environnement relativement prêt, on est en mesure de faire des compétitions majeures pour le développement de nos athlètes. Jude, si on parlait de Rio encore avec Léon, c'est quoi l'objectif? C'est-tu de prendre l'expérience pour 2020? Vous l'avez dit, l'objectif, on pensait d'abord 2020 au Japon. C'est de prendre l'expérience, j'imagine? Évidemment, ce qu'il faut voir, c'est qu'à 23 ans, tu es relativement jeune pour une sélection olympique dans des sports de développement tardif comme le vélo. Ce sont des sports d'endurance qui demandent un plus long développement à long terme. On espère que Léon sera des Jeux olympiques dans 4 ans, pour peut-être encore 2 Jeux olympiques. Oui, c'est de l'expérience. Je pense que Léon est un athlète potentiel top 15, top 10 peut-être dans les 2 prochaines années au niveau de la scène internationale. Et qui sait, en 2020, peut-être que Léon pourra nous réserver une surprise. Mais on y va pas en participation à Rio. Je pense que pour avoir parlé à Léon de top 15, c'est sensiblement ce qu'il visait Si on parlait un peu de la piste là-bas, est-ce que vous avez eu l'occasion de la connaître, la piste? C'est une piste difficile? Oui, c'est-à-dire que moi, je n'y étais pas. L'an passé, au mois d'octobre, Léon est allé faire le test event. Okay. C'est un test préparatoire aux Olympiques où les meilleures nations s'y présentent avec leurs meilleurs coureurs, leurs meilleurs pilotes. Et puis, c'est un parcours qui intéresse Léon. C'est un parcours qui s'approprie bien aux qualités techniques de Léon. C'est une des raisons aussi de sa sélection au sein de l'équipe nationale. Donc, c'est un parcours qui est monté de toutes pièces, où tout a été monté, toutes les futures, tout ce qu'on retrouve au niveau technique a été monté de toutes pièces. Donc, parfois, c'est très roulant. Donc, c'est un parcours qu'on retrouve au niveau des Coupes du monde maintenant. C'est un parcours parfois qui peut être très roulant, mais parfois très, très technique et très challengeant. Alors, Léon adore ce type de parcours. OK. Si on parlait de l'impact de la présence de Léandre, vous en avez parlé un peu, Catherine Fleury, de bonnes chances également. Mais est-ce qu'on, dès l'annonce que Léandre va participer à Rio, est-ce qu'on a senti un impact du côté du club cyclo? Ouais, ben, oui, définitivement, on sent. Ouais. Cette semaine, on avait une espèce de soirée reconnaissance pour la sélection de Léandre. Léandre signe des autographes maintenant. Léandre est de plus en plus connu. On n'a pas vu ça. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans le monde du vélo. J'ai jamais vu un athlète chez nous en région se faire demander des autographes. On a vu Marianne Saint-Gelais ici. On a vu Marianne Saint-Gelais en patinage de vitesse. Et on a eu, nous, chez nous, à l'époque, Marie-Hélène Prémont, qui a fait aussi des Olympiques, gagné une médaille de bronze au jeu de 2000, je pense. En tout cas, bref. Oui, ça a de l'impact. Et on verra les retombées futures, peut-être l'an prochain, dans deux ans, dans trois ans, mais je pense que ça a un impact. Et surtout, ça a un impact sur le bon développement à long terme de l'athlète, parce que Léandre s'est développé sur le tard. À très bas âge, c'était pas quelqu'un... À 12, 13 ans, 14 ans, il était pas très performant, Léandre. Parfois, il faut être patient dans la progression. Ouais. Et ça, c'est un message qu'on veut lancer aussi auprès des jeunes. On a parlé au niveau sportif, au niveau commanditaire, parce que c'est toujours difficile. Est-ce que ça, C'est le nœud, hein? C'est le nœud de la guerre. Nous, cette année, on a eu des partenaires. Ça fait deux ans que Ville-d'Alma nous... Autocar Janois dans les commanditaires. On a évidemment Nutrinor. Ça, c'est les commanditaires du club Cyclo. Mais Léandre a maintenant un gérant qui s'appelle Roger Filion. Okay. On a trouvé des argents. On a eu une conférence qui a été offerte gratuitement par Pierre Lavoie, pour pouvoir soutenir et financer Léandre et me permettre aussi d'aller à l'international parce que Léandre demandait à ce que je sois plus souvent au niveau de l'international. Alors, ça prend de l'argent. Oui, au niveau des commanditaires, je pense que Léandre, présentement, a eu tous les leviers nécessaires financiers pour pouvoir s'améliorer par rapport à sa progression. Pour un entraîneur comme Jules Dufour, est-ce que ça demande beaucoup, Léandre Bouchard? Oui, ben c'est du travail. Je dirais à temps plein. Moi, présentement, j'ai 5 athlètes de calibre national. Rebecca Beaumont, Catherine Fleury, Anne-Julie Tremblay, Léandre Bouchard et William Maltais-Pilote également. Donc, c'est des athlètes avec qui je travaille. C'est du temps plein pour moi. Je suis avant tout un enseignant en enseignement d'éducation physique et de la santé. Par contre, ça fait 15 ans que je m'implique tous les étés dans l'organisation du vélo de montagne. Et d'avoir une finalité d'une sélection olympique, ça vaut beaucoup d'argent. Mais oui, ça demande beaucoup d'implication. On a ici qu'il y a des bonnes chances. Dans le coin de Saint-Félicien, on a fait plusieurs entrevues avec Alexandre Gagnon. On a commencé à faire des entrevues avec Victor aussi. Et je parle de Victor Véro. Jules Dufour, comment il voit Victor Véro? Ben, moi, je pense que présentement, Victor est dans un environnement qui est favorable à son développement. À sa première année, j'y étais à Novo Mesto, en République tchèque. Je m'y suis présenté pour aller donner de l'encadrement aux athlètes. J'ai vu Victor faire sa course le vendredi en République tchèque. Sa position était fort intéressante pour un athlète de première année junior. Je pense qu'il a atteint un objectif très intéressant qui est une sélection nationale à sa première année junior. L'avenir est prometteur pour Victor. Il faut s'assurer d'un développement à long terme parce que de junior à U23 élite, il y a des étapes à franchir. Alors, il faut y aller étape par étape. Moi, je dis marche par marche, puis il faut surtout s'assurer qu'on a un encadrement qui est favorable à son plein développement. Avec Alexandre Gagné-Villeneuve, je ne suis pas inquiet. On travaille en collaboration, et puis je pense que c'est définitivement une matière première qui est Victor Véro, qui est intéressant. Moi, j'ai hâte de voir évoluer ce jeune-là au fil des prochaines années. Dernière question. Vous m'avez dit, j'ai fait pas mal de pistes, j'ai fait pas mal de Coupes du monde, j'ai parlé de la République tchèque, Saint-Félicien. Comment que c'est comme le Toboski pour les athlètes? Est-ce que c'est une piste qui est difficile? Oui, c'est une piste qui est difficile. Moi, je l'ai fait mercredi en entraînement avec les athlètes. Évidemment, je n'ai pas les mêmes capacités. Ouais. J'ai passé mon temps au niveau physique. Par contre, je suis en mesure de pouvoir juger le type de profil qui nous est présenté comme parcours. C'est un profil de parcours très... C'est un parcours difficile, des montées, montées. C'est un parcours physique très challengeant où il y a peu d'endroits où tu peux relaxer. Okay. C'est un parcours difficile, définitivement. Je voyais encore passer des coureurs tout à l'heure, là. C'est un parcours qui est très, très difficile. Est-ce que c'est une belle préparation pour les Lions? Oui, tout à fait. Ah non, pour nous, d'être okay. à la Coupe Cannes, puis bon, je connais bien Martin Demers, je connais tous ces gens-là okay. qui mettent des efforts. Léandre est maintenant une tête d'affiche au niveau national. Je pense qu'on se faisait un devoir d'y être. Pour Léandre, c'est pas une course qui est importante, c'est une course préparatoire pour Rio. Alors, on a mis ça dans un plan d'entraînement, là, dans une cédule d'entraînement pour pouvoir lui permettre d'être encore plus en meilleure condition physique à Rio. Okay. À Rio au mois d'août, évidemment. Je te fais un gros merci, on vous souhaite la meilleure des chances à Rio. Merci, au plaisir. Je te fais l'entraîneur de Léandre Bouchard. Non? Ça fait plusieurs minutes, hein? Ouais, c'est un jour en masse. Ouais, t'as pas de jaser, mais...